La question, docteur Yantimba, la question de la déstabilisation des États africains, telle que soulignée même par ces dirigeants africains, demeure. Vous avez à coup sûr suivi ces dénonciations faites par Malabo quant à cette grosse campagne médiatique internationale pour déstabiliser le pays, le golfe de Guinée, l'interpellation qui a été faite de ces terroristes et des équipements. Vous avez à coup sûr ces différentes images. Que se passe-t-il véritablement, docteur Yantimba? Ce qui va se passer, ce qui se passe depuis 6 siècles, il ne se passe pas quelque chose de nouveau. Il ne se passe pas quelque chose que nous ne savons pas. Il se passe que l'Afrique est attaquée depuis 6 siècles de manière frontale par l'Europe à travers la traite négrière. Et ensuite, il y a eu la colonisation, aujourd'hui la néocolonisation. Et sur la base de cette orientation, eh bien, il y a deux choses que vise cette action de l'Europe en Afrique. C'est de s'assurer d'un accès aux ressources naturelles. Alors, je dis ressources naturelles, pourquoi? Parce que pendant la période de la traite négrière, c'était d'abord les êtres humains. C'est une ressource naturelle. Et il y a eu ensuite tout ce qu'il y a aujourd'hui, minerais, etc. Et de s'assurer de l'accès aux marchés africains. Gratuit. Donc, ça doit être ouvert pour qu'ils puissent y accéder facilement. Et d'ailleurs, la plupart du temps, comme par exemple au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, début du 20e, pratiquant le dumping. Donc, ils m'en vendent au maximum ici et ils vendent le moins cher. Ils essayent de vendre un certain nombre de choses ici sans les contraintes de l'entrée sur un marché. Il ne faut pas s'étonner que ce genre de choses se produisent. Ceux qui s'étonnent risquent de, disons, si les gens s'étonnent, alors on aurait une compréhension un peu délicate de la situation de l'Afrique. Nous avons parfois le sentiment que le fait d'avoir un drapeau, un territoire, une armée, signifie que nous sommes des pays libres. Nous sommes certes juridiquement des pays indépendants, mais nous ne sommes pas des pays libres, nous ne sommes pas des pays souverains. Et cette situation mondiale fait que tous ceux qui essayent en Afrique de hisser leur pays à un certain niveau, qui se battent pour apporter à leur peuple les capacités de s'élever, de sortir de la misère pour avoir une meilleure vie, eh bien, toutes ces personnes-là, tous ces pays, dans tous ces pays, et tous les dirigeants sont attaqués, ils sont vilipendés, ils sont terrorisés quelquefois, et très souvent, ils sont tout simplement victimes d'énormément de commérages et de propos discourtois. Les pays sont naturellement mis sous veille géostratégique et sous veille par les services secrets des autres pays, parce que la situation de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous regorgeons d'énormément de matières premières. Et en même temps, nous avons une population qui s'accroît de plus en plus rapidement. Parce qu'il faut se souvenir que à la fin du 19e siècle, l'Europe réussit à coloniser l'Afrique parce que l'Europe représente 4 fois la population de l'Afrique. Nous étions à peine à 100 millions d'habitants, l'Europe en avait 400-450. Donc, le fait d'être 4 fois plus nombreux a facilité cela. Ce n'était pas forcément nécessairement parce qu'ils étaient plus avancés technologiquement, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et aujourd'hui, l'Occident, l'Europe, laissons l'Occident, mais même l'Occident de manière générale, mais si vous prenez l'Europe en particulier, l'Europe fait face à une situation où vous avez, si on inclut toute l'Europe de l'Est et même la partie européenne de la Russie, ça fait à peu près 600 millions d'habitants. Si vous prenez l'Eurozone, c'est 270 millions d'habitants. Mais si vous prenez toute l'Afrique, nous sommes autour de 1,5 milliard d'habitants. Ça veut dire que nous représentons, prenez toute l'Europe jusqu'à la partie européenne de la Russie, ça fait que l'Afrique aujourd'hui, c'est deux fois et demi la population de l'Europe. Donc, eux qui ont vécu, qui ont colonisé l'Afrique, savent que ceux qui sont les plus nombreux finissent mécaniquement par dominer les autres. Et ceux qui ont hier dominé le monde ont tout à fait peur d'être dominés aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus intéressant dans cette relation, c'est le fait que si ceux qui ont les matières premières apprennent à les transformer, eux, ils n'auront plus de matières premières et dans leurs économies vont s'effondrer. C'est une situation extrêmement grave qui va obliger les pays africains, parce que j'entends bien les efforts que fait la Guinée équatoriale, mais je pense que de façon optimale, c'est dans les grands ensembles qu'on pourra le mieux se protéger. Nous devons aujourd'hui être clairs, nous devons pouvoir reconnaître que quels que soient les moyens d'un seul pays africain, il aura vraiment du mal à se protéger. La preuve, quand on regarde l'histoire récente de la Guinée équatoriale, en tout cas les 20 dernières années, on a l'impression que c'est une succession ininterrompue d'attaques et de tentatives de déstabilisation du pays. Mais je peux vous assurer que c'est parce que l'Espagne, au fond, quand elle regarde la Guinée équatoriale, elle dit, oh, c'est pas grand-chose. C'est même pas la population de Madrid, mais ces gens-là ont quand même énormément de gaz et de pétrole, de bois. On va leur laisser ça, il faut récupérer. Sauf que si on avait la CEAC, et c'est ça qui fait que parfois on est embêté lorsque certains types de problèmes surviennent entre les pays africains eux-mêmes. Si nous avions la CEAC, c'est presque 300 millions d'habitants, c'est 7 millions de kilomètres carrés, l'Espagne ne parle pas à ce genre de pays. L'Espagne ne peut pas prendre le risque de parler à ce genre de pays, de faire ce qui se fait là. Aucun pays dans le monde, en dehors peut-être des très très grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine, et peut-être au plus ces deux-là, prendraient le risque de s'attaquer à un mastodonte comme celui-là. Et donc, de façon... de mon point de vue, on ne va pas avoir l'attitude de ceux qui croient qu'on règle tout par la violence et par la guerre. Je suis très amusé de penser que si vous êtes attaqué, votre attitude première, c'est de commencer à dire que vous allez être belliqueux. Non. Quand vous êtes attaqué, vous prenez le temps de la réflexion. C'est ça, comme ça que tous les grands empires, tous les grands peuples se sont libérés. On se libère en prenant le temps de la réflexion, en s'organisant. Regardez l'Afrique centrale. Elle n'est pas organisée. Vous avez un pays qui se met à signer des accords de défense avec 54 autres, enfin 53, puisque de toute façon la République sahraoui a du mal à avoir son indépendance, se met à signer des accords de coopération avec tout le monde. Si 54 pays se mettent à signer des accords de coopération chacun avec les autres, comment vous appelez ça? C'est un désordre fou. Et ça va être très compliqué à gérer. Mais ce qui est intéressant et qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que, souvenez-vous que la Guinée équatoriale avait offert un siège pour les renseignements africains, pour un service africain de renseignement, je crois à Addis Abeba. Je crois qu'ils ont construit un bâtiment qu'ils ont offert à l'Union africaine pour ça. Alors, le problème, c'est que il ne suffit pas de... Cette façon de procéder prend énormément de ressources, crée des fragilités structurelles dans le dispositif de surveillance et en même temps est telle que la diversité ou disons les divergences d'intérêts qui pourraient naître à tout moment entre les États feraient qu'en réalité il serait difficile parfois de faire appliquer les mécanismes universels qui ont été signés par exemple dans le cadre de l'Union africaine en matière de renseignement. Donc ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est de constituer les grands ensembles qui sur la base de leurs fondements économiques puissants, sur la base de leur potentiel économique puissant, auront donc la capacité de se doter de tout ce qui sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique et géopolitique, leur permettra de défendre des espaces qui sont suffisamment grands, un, pour être attaqués, too big to be attacked, parce qu'en fait, plus vous êtes costaud, moins on vous attaque. Quand vous observez à travers le monde, vous allez voir qu'il y a des pays tels un certain nombre de pays dans le monde qu'on attaque difficilement de façon frontale. C'est très difficile d'attaquer la Chine de manière frontale, très difficile d'attaquer les États-Unis de manière frontale, le Brésil, l'Indonésie, le Pakistan, c'est très difficile de les attaquer de manière frontale. Pourquoi? C'est de grands ensembles. Et dans ces grands ensembles-là, les pays comme la Guinée équatoriale, pour ce qu'ils arrivent à dépenser pour le renseignement, pour que ce qui s'est passé, par exemple, au Sud-Soudan puisse se produire, est énorme et dépasse, en fait, tout simplement la contribution qu'un tel territoire aurait pu apporter dans un plus grand ensemble qui assurerait la sécurité de tous. Donc, la situation aujourd'hui, je vais finir par là, mais c'est une remarque que je fais. Ceux qui gagnent les guerres ne font pas beaucoup de bruit. Ceux qui gagnent les guerres ne déclarent pas leur bellicisme. parce qu'ils ne sont pas belliqueux. Ils sont structurés. Ce sont des gens qui sont portés sur la stratégie. Ce sont des gens qui s'organisent. Ce sont des gens qui organisent leur monde à eux parce que c'est là, à partir de ce monde, qu'ils peuvent se projeter. Et il faut savoir que si vous ne travaillez pas à l'organisation de votre environnement immédiat, ce n'est pas l'environnement lointain que vous allez organiser. Vous n'avez aucune pertinence à parler de cet environnement lointain alors que votre propre environnement immédiat, vous n'arrivez pas. Nous devons faire très attention, nous les Camerounais, quand nous parlons de l'escalade verbale. Il faut faire très attention à ça. Quand on est là à jouer avec des mots comme pacifisme, comme bellicide, il faut faire très attention à ça. L'escalade verbale dans ce pays nous a coûté 6000 morts dans les provinces, dans les deux régions les plus à l'ouest de notre pays. Et les gens sont là, ils font comme si le monde commence là à l'instant et que ça n'a pas existé. Il faut faire très attention. Lorsqu'on ne tient pas compte de ces leçons de l'histoire, on dit, oui, mais les gens commencent à vous dire, oui, mais nous sommes en guerre. Qui ne sait pas que nous sommes en guerre? Prenez toutes les émissions sur lesquelles je suis passé sur Afrique Média. C'est moi qui vous dis. Le premier à dire qu'on est en guerre depuis 6 siècles, c'est moi. Mais être en guerre ne veut pas dire se lever et bavarder. Être en guerre veut dire quelle est la bonne stratégie. Comment on fait pour s'en sortir? Comment on construit? Est-ce que vous avez vu les Russes, parce qu'on a lancé un drone, se lever et commencer à bombarder les gens partout? Commencer à crier? Non, pas du tout. À quoi j'appelle, et là, dans le cas d'espèce, la Guinée équatoriale, malheureusement, a été obligée de se retrouver dans cette situation où elle était obligée d'aller signer tous ces accords-là, d'aller voir avec chacun des pays et essayer de se protéger. Parce que chaque fois ici chez nous en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, nous avons du mal à nous organiser et à nous coaliser pour constituer le grand ensemble dont rêve notre peuple. Parce que si on réussit à le faire, ça va nous permettre d'éviter ce genre de choses. Et ça ne mettra donc pas, par exemple, la Guinée équatoriale en face, comme on a vu cette histoire assez désagréable, de la Guinée équatoriale en face de la France, de la Guinée équatoriale en face de l'Espagne. Aucun de ces deux pays européens que je n'ai cités ne peuvent s'attaquer à un grand ensemble qui a presque 300 millions d'habitants. Aucun. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils n'oseraient pas. Ils vont peut-être bavarder, dire des choses, essayer de l'embêter dans le commerce international ou à l'ONU, mais recruter des terroristes, les former, essayer de s'attaquer directement à la famille présidentielle, s'attaquer au fils du président, s'attaquer à lui, chercher des problèmes à Guinée équatoriale à longueur d'année, parce que j'ai du mal, je ne me souviens pas qu'il se soit passé une ou deux années successives sans qu'il y ait un problème qu'il soulève contre la Guinée équatoriale. Et ça, c'est malgré tous les soucis que nous pouvons avoir en Afrique centrale avec la Guinée équatoriale sur un certain nombre de questions que j'espère d'ailleurs que les chefs d'État vont régler très rapidement, et enfin vont, pour lesquels ils vont trouver des solutions à long terme, et dans le cadre au moins du projet de fusion CEMAC-CEAC. Eh bien, je crois que les Équato-Guinéens étant des Africains, notre rôle est de nous assurer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, mais ça on le sait déjà, et de nous assurer que, en fait, on pousse dans la direction où il faut que nous construisions dans nos sous-régions et de façon plus optimale avec le temps au niveau de la région, donc au niveau de l'Afrique, que nous construisions les bases à partir desquelles nous anticipons sur les attaques des autres. Nous allons nous libérer nous allons mettre fin, parce que la question de la libération, je crois que c'est enclenché. Nous allons mettre fin à cette situation où nos pays semblent à la merci du jeu, des jeux géopolitiques de ces puissances, dont certaines sont même moyennes, qui sont des puissances moyennes, pas de considération importante, comme on ne peut pas considérer l'Espagne au même niveau que l'Allemagne ou le Japon ou la Russie. Alors, nous allons mettre fin au jeu de ce type de pays en Afrique lorsque nous aurons construit et que nous aurons dit au monde que l'Égypte ne s'est pas effondrée parce que l'Égypte était pacifiste. Ça, c'est ne pas connaître l'histoire, mais on ne peut pas être expert en tout, c'est compréhensible. L'Égypte a été fondée pour d'autres raisons. Ce n'est pas quand vous organisez notre émission, on en parlera. Il s'avère par contre que le fait d'être désorganisé, déstructuré, fait que nous sommes incapables de porter totalement notre combat de libération et de le réussir. Ce fait que nous sommes incapables de protéger tous ces pays qui sont autour de nous, parce qu'en Afrique centrale, tout au moins à la CEMAC, le leader naturel étant le Cameroun, au fond, nos services de renseignement devraient être impliqués dans la protection de tous les pays qui nous entourent. Pourquoi? Pas parce que le Cameroun est trop grand, pas pour montrer que nous sommes plus grands que les autres, mais parce que, en fait, ça créerait une synergie qui va permettre que nos pays, un, ne dépensent moins de ressources en voulant chacun travailler tout seul dans son coin, ou alors parce que nous ne nous entendons pas pour mutualiser nos forces à chaque fois. C'est pour ça que, par exemple, la mutualisation des forces entre le Cameroun et le Tchad dans la lutte contre Boko Haram a été saluée par les populations des deux pays et par beaucoup d'autres pays et de populations au niveau international. Mais c'est parce que cela nous permet aussi de nous assurer que tout ce qui... Quand l'un des pays est attaqué, c'est tous les pays qui sont attaqués. Parce que normalement, ce qui se passe là, avec ces terroristes équato-guinéens, bon, il a été rappelé ici, l'action du Cameroun, c'est un storm d'action relativement à la Guinée équatoriale, et on le sait par rapport même à la RCA et même au Nigeria ou au Tchad, donc on ne va pas revenir dessus, ça a été longuement dit, mais il faut que ce soit cela la règle. La règle ne doit pas être que chaque pays aille tout seul, la règle doit être qu'en attendant qu'on ne constitue les grands ensembles, il y ait une coopération étroite qui permettent que nous soyons impliqués tous les uns dans la protection des autres, afin que, effectivement, ce genre de choses ne se reproduisent plus. Le rôle de l'Espagne, ça, il est connu, on a commencé par là. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que, avec le temps, quelle est la bonne stratégie que nous pouvons formuler, quelles sont les ressources que nous pouvons mobiliser, quelle est la structure politique qui nous permet le mieux de résister à tout ça, le mieux de sortir de cette domination et de ces attaques permanentes pour pouvoir construire demain un environnement qui est craint, respecté et auquel personne n'ose s'attaquer parce qu'il dispose des ressources militaires, géopolitiques, économiques et démographiques qui sont la base à partir de laquelle sa défense pourra être organisée de manière efficiente et de manière durable. Afrique Média, le monde, c'est nous.